On s'est pas compris, quelle erreur. Vous m'avez fait vivre dans la crainte, dans la peur. Vous avez menti à mon frère, à mes sœurs, en leur disant qu'ici, c'était le vrai bonheur. Alors on est tous venus, bon gré mal gré. On savait pas qu'on allait être appelés émigrés. On savait pas qu'il y avait des différences où on n'a pas tout compris. Pas de chance. À l'école, dès la première semaine, on m'a appris à la claire fontaine. On m'a appris à dire le mot je t'aime. Et c'est là qu'a commencé ma peine. La seule fable, la seule belle histoire, c'est celle du corbeau et du renard. Je suis le corbeau, des fois le renard. Je suis le renard. Quand j'en ai marre, alors je pars, je ruse. Je suis le goupil. Je suis devenu malin, hyper agile. J'ai décelé tous les pièges de la société, tout ce que je ne voulais pas, que vous m'avez imposé. Alors j'ai rangé mon glaive, j'ai touché la glaise, j'ai dit suffit, les merveilles qui blessent. Au fond, on a eu tort, on aurait dû écouter le sage sur le port. Maintenant je suis ici, c'est l'hiver, je regrette ma forêt, mon verre, je ferme les yeux. Je marche dans la forêt, je marche dans la forêt, je marche dans la forêt, j'entends les tam-tams du soir, les rythmes, l'Afrique noire, je revois la rivière qui coule, les femmes qui marchent sur la tête des boules. Elles marchent tout en fil, comme un aqueduc. Elles vont à la rivière, sous le regard d'un grand duc. J'entends le tam-tam au loin. C'est des rythmes fous, africains. Ça te prend le cœur, ça te met en transe. Tu te lèves et tu danses, tout est simple. Apaisé. Regarde le soleil, lui-même vient de se coucher. Tu vois l'albatros, il a pris le large. Regarde la cigogne, comme elle te regarde du haut de son arbre. Elle est intouchable, elle regarde la mer, elle regarde le sable. J'irai demain pêcher. Tu marches, tu déambules. Dans ta tête, y a la bulle. Tu revois ton passé, d'où tu viens, qui tu es. Ton père t'a parlé, ta mère t'a raconté des histoires du village que tu ne connais pas. Chaque fois que t'y vas, tu te reconnais pas. Tout le monde te regarde, on te montre du doigt. T'as des belles Ray-Ban, un jean sympa. Tant pis pour vous, tant pis pour moi, on s'est pas compris, je rentre chez moi.